et à demain, et vous souhaite une bonne journée. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Apollonius de Tyr, tel est le titre du best-seller médiéval sur lequel Michel Zinc a construit son cours cette année. Inceste, voyage, tempête, naufrage, amour contrarié, dérédiction, retrait du monde et happy end, tels sont les ingrédients de ce roman qui fit florès depuis la transposition de son original grec en latin au VIe siècle de notre ère jusqu'au milieu du XVIe siècle. Ce roman est parsemé d'énigmes que doit résoudre notre héros, Apollonius de Tyr. Et, à travers les utilisations de ces énigmes, dans les nombreuses variantes du texte, Michel Zinc analyse à la fois les questions techniques d'ordre littéraire et les goûts et mœurs des lecteurs à travers les siècles du Moyen-Âge. Par exemple, s'est posée hier la question des interdits. Que garde-t-on et que rejette-t-on d'une version à l'autre, d'une époque à l'autre, et pourquoi ? Comme élément de comparaison, Michel Zinc utilise deux textes qu'il appelle R.A. et R.B., roman A et roman B, qui sont les textes de référence par rapport auxquels les autres se situent. On en était resté hier matin au moment où le roi de Cyrène s'éprend d'amitié pour un jeune homme, Apollonius, dont il ignore l'identité. Le roi de Cyrène a fait suivre Apollonius dans l'Historia. Il a découvert que c'est un pauvre naufragé. Il le fait inviter le soir au banquet chez lui. Dans les versions vernaculaires, dans toutes les adaptations, comme il y a cette ellipse sur les soins donnés au roi, les frictions et le bain chaud auquel aide Apollonius à la fin, Apollonius s'éclipse directement et le roi le fait suivre à ce moment-là, ou bien avant même qu'il s'éloigne, il lui pose la question et il l'invite, comme dans le Libro de Apollonio Castillan. Enfin bref, Apollonius se retrouve à ce banquet. Et alors que tous les invités sont joyeux et festoient, lui seul fait une triste figure parce que toute cette splendeur lui rappelle sa fortune passée. Il se dit qu'il pourrait être lui, que sa place serait à la place de ce souverain, celle de ce souverain, etc. Et alors un vieillard présent au banquet, un méchant vieillard, suggère au roi que le jeune homme envie sa richesse et que ce qui le rend triste, c'est l'envie ou la jalousie de la richesse du roi. Mais le bon roi comprend que le naufragé est triste en pensant à ce qu'il a perdu, car il a appris qu'Apollonius est un naufragé en le faisant suivre, et d'autre part, son élégance, ses bonnes manières, son habileté au jeu du gymnase montrent qu'il est de bonne naissance. À ce moment, entre la princesse, qui interroge immédiatement son père sur l'identité de ce beau jeune homme mélancolique qui est au banquet à côté de lui. Et le roi raconte à sa fille les circonstances de leur rencontre au gymnase, l'habileté du jeune homme aux exercices physiques, au jeu de la balle, mais il répond qu'il ignore qui il est et il lui conseille de lui poser directement la question. Dans l'Historia, Apollonius répond purement et simplement. Il répond de façon laconique mais claire dans la rédaction R1. Il répond de façon légèrement énigmatique dans la façon RB, mais quand la princesse le prie de s'expliquer davantage, il le fait immédiatement et en détail. On peut peut-être aller le voir le transparent où on aura les deux textes. et puis la traduction française littérale de la fin du XIIIe siècle. Donc, dans R.A., la princesse lui dit « Licet quiturnitas tua sit tristior, generositas tamen nobilitatem ostendit, sed, si tibi molestum non est, indicami nomen et casus tuos. » Et Apollonius, bon, Apollonius ait, « Si nomen queris Apollonius sum vocatus, si de tesoro queris in mare perdidi, si tu me demandes mon nom, je m'appelle Apollonius, si tu m'interroges sur ma fortune, je l'ai perdue en mer. Puella ait, apertius indicami ut intelligam, la jeune fille lui dit, parle-moi plus clairement pour que je comprenne. Apollonius, vere, universos casus suos exposuit, et finito sermone lacrimas et fundere coepit. Donc Apollonius exposa donc toutes ses aventures, universos casus suos, et son discours fini, il se mit à pleurer. Donc là, il n'y a absolument aucune, il dit « je m'appelle Apollonius bon, ». Donc dans la version la plus ancienne, on n'a pas jugé bon d'introduire une énigme là. Simplement, la jeune fille lui dit « exprime-toi plus clairement hein, ». Et ça veut dire simplement qu'elle lui demande de développer dans quel Apollonius, mais encore, dans quelles circonstances il a perdu sa fortune en mer. Mais la formule même « apertius indicami ut intelligam »« exprime-toi plus clairement pour que je comprenne » suggère quelque chose d'obscur. Et ce quelque chose d'obscur est développé, là encore, comme rétrospectivement, rétroactivement, dans les versions suivantes. Et dans la rédaction RB, même chose, bien que tu sois triste et silencieux, tout de même ta noblesse apparaît, si ça ne t'ennuie pas, indique-moi, dis-moi ton nom et tes aventures, Apollonius ait, si necessitatis nomen queris, vous voyez la formule n'est pas clarté extrême, si necessitatis nomen queris in mare perditi, si nobilitatis tarsum reliqui, donc nobilitatis il faut restituer nomen, enfin qui est sous-entendu, mais certains manuscrits devant la formule un peu embarrassée ont dit si nobilitatem. Donc si tu me demandes de nommer le besoin où je suis, eh bien, j'ai tout perdu en mer. Si tu me demandes le nom de ma noblesse, ou si tu me demandes ma noblesse, je l'ai laissé à Tarse. Ce que la traduction française de la fin du XIIIe siècle, qui, nous l'avons vu la dernière fois, suit Herbé jusque dans ses platitudes, nous l'avons vu pour l'énigme d'Antiochus, rend ainsi, c'est du français du XIIIe siècle, « Combien que ta taisance te démontre être en tristesse, néanmoins, il appert par ta face que tu es de grand noblesse. Et s'il ne te déplaît, je te prie que tu me dises ton nom et me racontes tes aventures. » Apollonius répondit, « Si tu me demandes mon nom, je l'ai perdu en mer, si de ma noblesse entière, je l'ai laissé en Tarse. » La fille lui dit, « Je te prie que tu parles plus clairement afin que je te entende. » Ah donc, il lui raconta toutes ses aventures, et quand il eut fini, il commença de pleurer. Et, autre exemple, enfin, je ne vais pas énumérer toutes les versions, mais la version du manuscrit de Florence, qui combine R.A. et R.B., qui suit un de ces manuscrits mixtes qui sont les plus fréquents, dit « J'assois que ton terre soit dolent et triste, mais le contentement, ta façon de te comporter, démontre noblesse. Mais s'il ne te fut grief, je voudrais que tu me deuisses, que tu me dises ton nom et tes aventures. » Apollon dit, « Si tu demandes le nom, je suis appelé Apollon. C'est la richesse, je l'ai, si tu me demandes ma richesse, je l'ai perdue en la mer, mais c'est la noblesse, je l'ai laissée à Tyr ou à Tarse. » Donc, il combine le tout. Il dit comment il s'appelle, il a perdu sa richesse en mer, il a laissé sa noblesse à Tyr ou à Tarse. Enfin, il essaye de tout dire, enfin, ce rédacteur. La pucelle dit, « Dis-le-moi plus apertement si que je l'entende. » Et il conta toutes ses aventures, et puis qu'il eut son parlement fini, s'y commence à bout fortement à pleurer. La version de Bruxelles, vous savez, cette version amplifiée, qui est la version littérairement la plus élaborée que l'on ait en français, n'est pas substantiellement différente, mais elle est, comme toujours, amplifiée, dramatisée, avec des dialogues plus vivants. C'est simplement à cette occasion vous donner un exemple du style de cet auteur, que vous pouvez comparer à la sécheresse du récit initial. Comme je fais d'habitude, je lis la version d'ancien français en modernisant un petit peu pour que ce soit plus compréhensible. La pucelle perçut bien que, aux paroles du roi, le jouvenceau lui plaisait bien. Elle a compris en écoutant son père parler que le père aimait bien le jeune homme. Et si en fut moutelie, elle en fut très joyeuse et l'aima plus que devant. Elle vint et s'assit à côté d'Apollonius et prit la coupe avec tout le vin et la donna à Apollonius et lui dit « Ami, prenez le vin de la main à la pucelle et fille de riche roi et buvez. Ne soyez plus triste, mais faites bonne chère, car je le veux et si vous en prie. » Apollonius, nous verrons, nous parlerons naturellement de la peinture des amours un peu plus loin, mais du coup nous aurons vu ce passage et la façon dont l'auteur suggère cet amour naissant, né de bonne petite fille. Et le jeune homme lui plaît et elle s'aperçoit qu'il plaît à son papa et du coup elle se permet d'être première et de commencer à être amoureuse. Enfin, c'est une peinture juste, n'est-ce pas, de la naissance de l'amour chez les bonnes petites jeunes filles. Apollonius prit le vin et but, et puis dit à la pucelle, « Demoiselle, à votre grand merci, je fais bonne chère et ferai encore meilleure, puisque vous me le commandez. » « Aurait bien, donc, dit la pucelle, a donc se trahit près de lui, elle s'installa près de lui, et parla bas, si que s'il qui à la table s'était ne l'entendait pas. » Elle lui parle bas, les autres n'entendent pas. « Beau sire, dit-elle, s'il ne vous devait déplaire, je voudrais savoir de vos aventures, comment vous avez nom, et qui vous êtes, et de quel pays. » Alors, voyez comme le fait de parler là, et cette conversation est un aparté, ce qui ajoute non pas à l'énigme, mais au secret. Et c'est un secret partagé. Il y a une sorte de redoublement de l'énigme. Voyez, plus on s'éloigne de la version d'origine, plus les auteurs font monter la sauce, si je puis dire, et développent cet aspect énigmatique minuscule. Et pour en tirer chaque fois quelque chose de différent, ici une connivence, une complicité entre Apollonius et la jeune fille, établie dès le départ, mais nous verrons dans la version de Vienne autre chose. Donc elle lui dit tout bas, « Et qui êtes-vous et de quel pays ?»« Demoiselle, dit Apollonius, il ne me déplaît chose qu'il vous plaise à demander. Se vous demandez le nom de moi, et ce ma nécessité, je l'ai perdu en la mer. Et si vous demandez de ma noblesse, je l'ai laissé en la cité de Tars. » Alors, voyez, là encore, comment, à partir des éléments mêmes que l'on trouve dans l'Historia, il y a un petit glissement. Si vous demandez le nom de moi ni ma nécessité, je l'ai perdu en mer, et si vous le demandez de ma noblesse, je l'ai laissé en Tars. C'est-à-dire que il ne veut pas se nommer, comme dans la version Hermé. Le nom a péri en mer. Le nom a disparu dans le naufrage. Il apparaît sur le rivage nu et comme une sorte d'homme nouveau, échappant à la malédiction d'Antiochus, de même qu'il a échappé à la fureur des flots et à son destin mauvais, du moins le croit-il, et il renonce à cela et il est quelqu'un d'autre. Il a donc perdu sa noblesse et sa fortune, mais il a perdu aussi son identité, ce qui le rend prêt pour l'amour, en quelque sorte, comme lavé de cette sorte de souillure indirecte qu'il portait du simple fait d'avoir convoité l'indigne fille du roi Antiochus. « Bon, sire, dit la pucelle, vous parlez trop obscurément, et faites-moi entendre ce que vous dites, et ne soyez pas honteux de moi conter de vos aventures, car sachez que ce elles sont à sceller, je les vous scellerai, boutent bien. Ne soyez pas honteux, n'ayez pas de pudeur à me raconter vos aventures, parce que s'il faut les tenir secrètes, je les tiendrai secrètes. Vous voyez, cet élément de complicité qui n'est pas dans la version d'origine, où elle lui demande de raconter devant tout le monde, comme Ulysse pleurant en écoutant Laède raconter la prise de Troie et invité à s'exprimer devant toute la cour des Phéaciens. Ou aînée devant Didon. Apollonius regarda la pucelle et lui dit « Douce demoiselle, je vous dirai tout ce qu'il vous plaira. » Avec, en même temps, enfin je m'interromps tout le temps, alors c'est encore plus long, mais vous voyez cette tendance des romans français en prose à distendre le récit, à saturer le récit, à tout dire, à ignorer ensemble les ellipses, les apologies. Et c'est une tendance qui va en s'accentuant jusqu'à la fin du Moyen-Âge, jusqu'à devenir tout à fait insupportable. Il arriva et il descendit de son cheval et il prit la parole et il dit « Roi, dit-il, je vous salue. » Et en entendant qu'il le saluait, le roi lui répondit « Je vous salue aussi, etc. » Et puis ça peut durer comme ça pendant des pas, sans qu'il ne se passe rien. Et là, on est sur le bord de cette tendance, mais c'est encore où ce serait supportable si je ne m'interrompais pas tout le temps. Apollonius regarda la pucelle et lui dit « Douce dame, je vous dirai tout ce qu'il vous plaira. » On m'appelle par droit Apollonius, donc il ne lui cache pas, mais il le dit tout bas. « Et je suis fils du roi et de la reine de Tyr, qui trépassés sont, Dieu et leurs âmes, et le royaume doit être à moi, car il n'y a plus d'heir, il n'y a pas plus d'héritier. » Après, lui conta toutes ses aventures, et du roi d'Antioche, qui l'en eut chassé de son pays pour sa fille, et comment il fut à Tarse, et comment il s'en partit, et comment il perdit tout en mer. « Or, je suis si arrivé, comme vous voyez, douce demoiselle, et j'étais tout nu quand messire le roi votre père me commanda à vêtir, Dieu le lui rend. » C'est comme ça qu'on s'est parlé aux demoiselles. Quand il eut ce conté à la pucelle, il se tut et commença à pleurer. Et la pucelle l'ama assez plus que devant quand elle oït qu'il était de tel lignage comme fils de roi. Le roi se tourna vers sa fille et perçut qu'Apollonius pleurait, s'y fut mout courroucé et dit « Ah, belle fille, vous avez fait péché, vous lui avez tant enquis que vous lui avez renouvelé ses douleurs et ne voyez-vous pas qu'il pleure ?» Or, serait-il raison, douce fille, quand il vous a conté ses aventures et dit la vérité, comme mieux l'en fut, et que vous lui donnissiez beau don, s'il vous semblait bien et bien employé, car de parler à reine, fille de roi, doit-on mieux valoir. Quand Lucienne, elle s'appelle Lucienne ici, vous savez, par ce contresens assez fréquent sur le moment plus loin dans le roman où elle l'accouche là en mer de façon malheureuse et où on invoque Lucina, la déesse des accouchements, ce que n'ont pas compris les lecteurs médiévaux, ils ont cru que c'était le nom de la jeune fille. Donc elle s'appelle Lucienne. Quand Lucienne entendu que le roi son père l'exhortait à faire ce qu'elle désirait, elle fut très contente et elle ordonne qu'on lui donne des cadeaux. On retrouve le sujet, vraiment. Bon, je ne passe, le libro de Apollonio développe également un peu, mais la substance reste la même, je ne vous le lis pas. Mais, dans la version, donc, tardive, de la fin du XIVe siècle, du manuscrit de Vienne, celle que j'avais éditée autrefois, dans la version de Vienne, dont la base est la traduction littérale, qui est une amplification, mais une amplification énorme, en ajoutant toutes sortes d'épisodes, mais la base, c'est la traduction littérale. Les modifications sont plus importantes. Et à la question de la princesse, Apollonius a le cœur si serré qu'il ne peut pas répondre. Et c'est à ce moment-là, et non, alors que c'est à un autre moment dans l'Historia et dans les autres versions, c'est à ce moment-là que le roi ordonne à sa fille de chanter pour distraire le malheureux. Après sa chanson, un quatrain dans le texte est donné, elle renouvelle sa question, on a alors l'échange habituel, mais Apollonius continue à dissimuler son identité. Au moins auprès du roi, parce que auprès de la princesse, il y a une reprise de quelques lignes de la traduction littérale, et là, on a l'impression qu'il lui dit tout. Mais pour le roi, il dissimule, et ça change un peu. Je vous lis ce passage, mais ensuite, promis, je ne vous lis plus rien, mais c'est assez frappant, d'ici. Alors, par la licence et amonestement du père, la fille vint au jouvencel. « Combien, dit-elle, que ta taisance te montre être en tristesse, dont vous reconnaîtrez. Néanmoins, il appert par ta face que tu es de grande noblesse. Et s'il ne te déplaît, je te prie que tu me dises ton nom. » Hein, vous reconnaissez là, ce texte. Et l'or, Apollonie, qui en eut le cœur serré, ne put maudire. Et l'or, le roi dit à sa fille, « Belle fille, dit le roi. » Vous voyez, c'est, là, c'est typique de ces romans de la fin du Moyen-Âge, cette reprise. Alors que, si vous avez remarqué, dans la version de Bruxelles, il y a des transitions au style direct beaucoup plus rapides. On passe d'un style indirect libre au style direct. « Belle fille, dit le roi, prenez votre harpe et jouez devant ses chevaliers. » S'y réjouissait toute la compagnie afin que ce jouvencelle oublie sa tristesse. Et alors la demoiselle prit sa harpe et commença à jouer devant tous moult mélodieusement. Et quand elle vint devant Apollonie, elle commença à jouer à sa harpe une chanson qui disait en manière de ballade. Vous voyez donc, adaptation aux formes lyriques de la fin du Moyen-Âge. C'est le début de la ballade, mais elle n'est pas terrible, hein, la ballade. « Chevalier, éjouis-toi, ébène gaie vie, car tous ces chevaliers forts que toi s'y mènent bonne vie. » On peut pas dire que le quatrain soit très fort, il y a des fois des rimes au même, et l'irrégularité métrique ne semble pas être particulièrement voulue, outre qu'il y a un vers de neuf pieds qui n'est pas quelque chose de très habituel, ni dans la métrique française, ni dans celle du Moyen-Âge. L'or commença Apollonie à pleurer et ne s'en put tenir quand il lui souvint des grands honneurs qu'il avait eus autrefois. Vous voyez, déplacement de la notation. Voilà. Et ainsi qu'il dut leur, et qu'il leur devait, l'aurait dû avoir encore, ce ne fut les cas de fortune qui lui étaient survenus, car il entendait bien la chanson que la demoiselle qu'elle avait jouée devant lui et fut plus pensif que devant. Et lors la demoiselle revint par devers le roi son père et il lui demanda, « Belle fille, dit-il, comment le font tous ces seigneurs ? Et quelle chair font-eux ? Comment le font, c'est-à-dire comment vont-ils ? Et quelle chair, quelle est leur humeur ? Sire, fait-elle, tous le font bien ? Force chevalier à ses draps vermeils qui l'assiettent. Belle fille, dit-il, allez lui demander de rechief son nom et pourquoi il ne fait bonne chair comme les autres. Lors vint la demoiselle à lui et lui dit, chevalier, comment est votre nom ? « Je vous prie que vous me le disiez, car monseigneur mon père le veut savoir, et pourquoi vous faites si triste chair ?» Apollonie répondit, « Demoiselle, si tu me demandes mon nom, je l'ai perdu en mer, et si tu enquières de ma noblesse, je l'ai laissé en Tarse. » Vous voyez, ces îlots, ces morceaux de l'historia et de la traduction littérale qui surnagent, déplacés et prenant un sens différent à cause des ajouts et des modifications du contexte. La fille lui dit, « Je te prie que tu paroles plus clairement afin que je te entende. » Ah donc, il lui raconta toutes ses aventures et quand il eut fini, il commença à pleurer. Donc il pleure deux fois, mais là c'est rassemblé. Et quand le roi le vit ainsi pleurer, il appela sa fille et lui dit, « Belle fille, tu as fait péché, car en tant que tu as voulu savoir de ses aventures, tu lui as ramentu renouvelé ses douleurs nouvelles. » A donc fut temps d'ôter les tables et prirent vin et épices. Alors là, toujours le détail du repas qu'on ne trouverait pas dans un texte plus ancien. Vous savez, on buvait après le repas. À ce moment-là, on prenait le vin et les épices. Et a donc les épices qui servaient de dessert. Et a donc se départit la cour et chacun se retira en ses chambres. Et lors le roi vint à Apollonie et lui dit, vous voyez, là aussi, c'est l'équivalent de la conversation à voix basse de la version de Bruxelles. Tout le monde s'est retiré quand le roi vient interroger Apollonius. Mais tout de même, vous allez voir qu'Apollonius ne répondra pas vraiment. « Chevalier beau sire, pourquoi n'avez-vous tenu compte de l'ébattement que ma fille sait faire quand elle a joué devant vous et devant tous les autres chevaliers ?»« Par ma foi, sire, j'en tiens bien compte et c'est bien raison. » Mais quand il me souvint en la chanson qu'elle joua devant moi de la grande hôtesse où j'ai été en aucun temps, je commence à soupirer. Et l'or lui enquit le roi de son être, et il lui dit qu'il était marchand de toute denrée, ce qui est un peu contradictoire avec le regret de cette fortune énorme, enfin, mettons que c'était un très riche marchand, et il lui dit qu'il était marchand de toute denrée, et par espécial de blé, et qu'il avait été périllé sur mer, et il avait nom périllé. Et ainsi fut nommé le périllé par l'espace de 2 ans. Les 2 ans qu'il passe à Cyrène. Et alors c'est là, vous voyez, enfin, je répète toujours la même chose d'une fois sur l'autre, c'est là qu'il y a cette insistance sur le nom de périllé. C'est la seule version où il ne donne pas son nom, il ne finit pas par donner son nom, et il se fait appeler périllé, donc naufragé, pendant tout son séjour à Cyrène. Et, je vous le disais, je me demande si, indirectement probablement, Shakespeare n'a pas eu connaissance d'une version de ce type, parce que dans Gower, il ne trouvait rien de tel, et c'est ce nom de Périer qui, me semble-t-il, permet de comprendre pourquoi, dans la pièce de Shakespeare, le héros s'appelle Périclès, et non pas Apollonius. Et je ne refais pas là. Enfin, la démonstration, c'est un grand nom. Bref, pour en revenir à ce passage, l'adaptateur français qui manifeste l'imagination la plus vive et la plus féconde tire parti de l'épisode pour laisser au personnage son mystère aux yeux de celle qu'il aime et il en profite pour introduire le motif de l'anonymat du héros, si cher aux romans médiévaux. Car cette incertitude sur l'identité d'Apollonius, cette réponse ambiguë, si tu me demandes mon nom, je l'ai perdu en mer, si tu me demandes ma fortune, je l'ai perdu à Tars. Non. Cette petite énigme qui sert simplement de piquant dans l'historia et qui introduit la conversation avec la princesse de Cyrène, que nous avons vu dès les traductions les plus proches, n'est-ce pas, amplifier un petit peu, de façon à rendre cette réponse plus mystérieuse, plus énigmatique. Que la version de Bruxelles amplifie encore bien davantage, mais de façon à créer une complicité amoureuse par la conversation à voix basse entre Apollonius et la princesse. Que la version de Vienne amplifie davantage encore, mais amplifie cette fois-là jusqu'à préserver l'anonymat d'Apollonius et le faire mentir sur son identité, sur son statut social. Il se fait passer pour un marchand. Eh bien, cette façon de surenchérir sans cesse l'anonymat et sur l'énigme de l'identité d'Apollonius aboutit dans cette version, la version la plus tardive de celle que nous examinons, à une rencontre avec un thème d'une banalité extrême dans le roman médiéval, qui est le thème de l'anonymat du héros, qui est le tarte à la crème, peut-on dire, depuis Chrétien III. Vous voyez, Lancelot, dont on découvre l'identité au milieu du chevalier de la charrette, au bout de 3000 vers, ou 4000. Vous voyez, Perceval, qui ne sait même pas lui-même son nom. Vous voyez, le bel inconnu, le titre même du roman dit que le personnage ne sait pas qui il est, il ne découvre qu'à la fin qu'il est le fils de Gauvin. Vous voyez tous ces chevaliers c'est dans l'âtre périlleux, enfin mes collègues ici présents me corrigeront si je dis des bêtises, où Gauvin rencontre une jeune fille qui pleure un chevalier tué parce qu'elle croit que c'est Gauvin. Du coup, Gauvin considère que puisqu'on croit qu'il est mort, il a perdu son identité et il, pendant tout le roman, il ne dit pas qui il est, lui, ce chevalier qui se nomme si volontiers, et il vit sous le couvert de l'anonymat, donc un anonymat purement artificiel. Et voyez, alors pratiquement dans tous les romans, ces chevaliers qui savent très bien qui ils sont, mais qui se couvrent de gloire sous l'anonymat d'armes muettes ou d'une armure d'armes qui ne sont pas les leurs, et naturellement le visage dissimulé par les hommes, et qui se sauve au dernier moment du combat, au moment où ils vont recevoir le prix être fait, ou du tournoi, et au moment où ils vont être félicités, et qui joue ainsi de cette curiosité indéfiniment piquée pour se révéler à la fin et n'en recevoir que plus de gloire, comme Cligès, comme de façon bizarre dans Hippomédon du Udrotland, où l'intrigue du roman est soutenue de cette façon, parce que Hippomédon est un grand timide, sinon il n'aurait qu'à se déclarer pour plaire, on le voit bien dès le début, mais chaque fois, quand on a toutes les raisons de l'aimer davantage, parce qu'il est couvert de gloire, il ne dit pas que c'est lui, et il se sauve. Donc c'est quelque chose de tout à fait courant, et se présenter pour le fils d'un marchand alors qu'on est un fils de roi, pour que la surprise soit plus grande, que le roman soit plus gratifiant, c'est quelque chose de très fréquent. Et la version de Vienne ne manquera pas d'utiliser cet élément dans la suite, car le récit y recourt, enfin, ou Apollonius plutôt, recourt à nouveau à l'anonymat un peu plus loin par une sorte de redoublement de l'anonymat, puisqu'on ne sait déjà pas qui il est, par un anonymat dans l'anonymat, dans un épisode qui lui est propre, et qui là encore est un lieu commun des romans médiévaux, la princesse refuse la main de deux prétendants, qui ne sont pas là comme dans l'Historia il y en a trois, et ce sont trois jeunes gens de la ville, et quand on leur a dit que non, la princesse préfère en épouser un autre, bon, ils sont pas contents, mais il ne se passe rien. Tandis que là, les deux prétendants sont le fils du roi de Hongrie et le fils du roi de Chypre. Alors là, c'est une autre affaire. Se voyant repoussé, il déclare la guerre au roi de Cyrène, qui est sur le point d'être vaincu, quand Apollonius, dissimulé sous des armes vermeilles, et d'autant plus méconnaissable qu'il s'est fait passer jusque-là pour un fils de marchand, donc il ne sait pas se battre, Apollonius arrache le roi de Cyrène à la mêlée, fait prisonnier les deux fils de roi, assure la victoire du camp de Cyrène, et à ce moment-là, quitte discrètement le champ de bataille sans être identifié, sans être fait reconnaître. Mais la princesse, elle, l'a bien identifiée, n'est-ce pas? On ne te trompe pas une jeune fille amoureuse, et elle persuade aisément son père qu'il ne peut pas refuser sa main à son sauveur. Et ainsi, alors là, ça me fait une transition non pas habile mais appuyée, hein. Ainsi, l'adaptation de Vienne fait l'économie de la troisième énigme, celle par laquelle la princesse de Cyrène révèle à son père qui est l'élu de son cœur, énigme à laquelle je passe maintenant. L'adaptation de Vienne fait l'économie de cette énigme pour avoir voulu renchérir sur l'énigme précédente et, d'une certaine façon, pour s'être laissé entraîner dans l'ornière de l'anonymat du héros, qui était l'ornière narrative de tout roman médiéval et qui était inévitable pour cet auteur dès lors qu'il avait présenté les choses de cette façon. Alors donc, lui ne parle pas de la troisième énigme et de la deuxième énigme à Cyrène, celle par laquelle la jeune princesse révèle à son père qui elle veut épouser. L'énigme de cette énigme, ou ce qui en fait une énigme, n'est pas dans le fait que la solution serait difficile, mais au contraire, dans le fait que la solution est évidente. Et que cependant, par un étrange aveuglement, le roi de Cyrène, le père de la jeune fille, ne la trouve pas. Cela fait suite à un passage où la jeune princesse s'était montrée coquette, en somme, avec Apollonius. Donc les trois prétendants de Cyrène écrivent au roi et lui demandent de transmettre leur demande en mariage, en somme, à la jeune fille, et de transmettre leur demande. Et Apollonius est chargé, puisque c'est lui le précepteur, ensemble le maître de musique, de porter les trois billets à la princesse. Il les prit, donc Apollonius, et s'en vint à l'hôtel du roi, et entra dans la chambre de la fille. Quand elle vit celui qu'elle aimait tant, elle lui demanda, donc là, qu'est-ce mon maître? D'où vient ce que tout seul vous êtes entré en ma chambre? Bon, elle l'aimait tant, mais elle feint de trouver que c'est lui qui se conduit, pas de façon indiscrète. Apollonius dit, prends, dit-il, ces cédules, donc ces billets que ton père t'envoie, et vois ce qu'il y a. Elle les prend et lut les noms des trois qui la demandaient, qui a demandé en mariage. Quand elle les eut lus, elle dit à Apollonius en le regardant, maître, dit-elle, ne te déplaît-il point que je me marie? Il répondit, ainsi dit-il, me est-ce joui? Au contraire, je me réjouis de ce que tu es introduite en mes sciences et te marie à mon plaisir. Elle lui dit, certes, si tu m'aimais, il t'en déplairait. Alors, elle, enhardie par la grande amour qu'elle avait en lui, écrivit la réponse à son père, et scella les cédules, donc elle scella la lettre, et les bailla à Apollonius, lequel les porta au roi, et lui présenta la rescription, la réponse de sa fille. Elle lui avait réécrit en cette forme. « Mon très cher et très bon père, puisqu'il vous plaît que je élise, puisqu'il vous me laissez le choix, je veux ce naufragé qui a tout perdu de sa fortune en mer, qui a tout perdu le sien en mer. Et si vous vous merveillez que je, qui pucelle et chaste suis, vous ai si hardiment écrit, sachez que pour que honte ne vous ait osé dire de bouche, je vous écris en sire qui n'a point de honte en soi. » Comme j'avais honte de vous le dire de vive voix, je l'ai écrit sur la cire qui n'a pas de honte. Et le texte dit, et c'est important, nous verrons ensuite, le texte de l'Historia, pour ne pas avoir à rougir de vous le dire, je l'ai écrit sur la cire qui ne rougit pas. Quand le roi eut lu les lettres, ignorant de quel naufragé elle lui avait écrit, il regarda les trois jouvenceaux et leur demanda lequel d'eux avait été périllé en mer. L'un d'eux, appelé Ardédio, lui répondit « C'est moi, » dit-il. Un autre le reprit en disant « Tais-toi, » dit-il, « de mal mort puisses-tu mourir, car tu as appris à l'école avec moi, enfin nous étions dans la même classe, et tu n'as jamais franchi les portes de la cité sans moi, et comment dis-tu que tu sois naufragé ?» Et comme le roi ne trouva qu'aucun d'eux l'eût été, il regarda Apollonius et lui dit « Lis ces cédules, car peut-être que tu pourras entendre ce que je n'y entends, pour ce que tu as été présent à les faire, peut-être que tu comprendras, puisque tu étais là quand elle les a écrites. » Effectivement, tout est là, mais on pourrait comprendre. Apollonius prit les cédules et les lut courant. Et il les lut donc d'une lecture cursive, comme on fait au Moyen-Âge, où on déchiffre difficilement, lentement, de sorte que quand on vous donne une lettre, on commence à la parcourir des yeux, enfin en murmurant, comme ça, en la lisant pour soi, avant de la lire à haute voix si besoin est, parce que sinon on buterait et on se tromperait. Et quand il aperçut que la pucelle l'aimait, il eut vergogne et rougit. Ah donc, alors, le roi se tira un peu en arrière des autres et prit Apollonius par la main. Apollonius lui dit « Vaillant roi, s'il vous plaît, j'ai trouvé l'entendement des lettres de votre fille. » Alors le roi aperçut que sa face était devenue vermeille comme une rose. Et il lui dit « Certes, j'ai grand plaisir de ce que ma fille t'aime et veut avoir. Je t'accorde donc que sans délai tu la prennes en mariage. » Et dit aux autres trois « Je vous dis que certainement, quand il sera temps de la marier, j'enverrai par-devers vous. » Attends ce partir du roi. Fin de la scène, pardonnez-moi, c'était un peu long comme les autres passages. Alors, voyez, bon, le bon roi de Cyrène paraît vraiment obtus. Mais il comprend, enfin, de quel naufragé sa fille veut parler en voyant Apollonius rougir quand il lui pose la question. Il est peut-être obtus, mais il n'a pas besoin qu'Apollonius lui donne vraiment l'explication. Il suffit qu'Apollonius rougisse. Or, sa fille, dans le texte latin, comme je viens de vous le dire, sa fille lui a répondu par écrit, qu'elle lui répondait par écrit, parce que la cire ne rougit pas. Et cela, après le petit jeu auquel elle s'est livrée, que nous avons vu, en feignant de s'indigner qu'Apollonius entre dans sa chambre, en essayant de lui faire dire qu'il serait triste qu'elle se mariât, en lui reprochant de n'être pas triste, etc. Et c'est une scène qui est très largement développée dans la version de Bruxelles, comme vous vous en doutez. Je réserve la lecture de cette scène dans la version de Bruxelles pour le moment où nous étudierons comment cette version transforme le récit en un véritable roman d'amour et comment elle y parvient en traitant l'amour lui-même comme une énigme. En fait, nous l'avons déjà vu. Pour en revenir à la pauvre énigme de la jeune princesse, et ce n'est pas par hasard, mais finalement par habileté, que le récit, par la voix d'Apollonius, rappelle à ce moment même son très jeune âge. et lui dit en anglais, comment, ça n'apparaît que dans le texte latin, elle lui dit, mais comment oses-tu entrer tout seul dans ma chambre, etc. Et il lui dit, oh, doucement, c'est-à-dire, tu n'es pas encore une femme, tu es encore une toute jeune fille, t'es une petite fille, je peux bien entrer dans ta chambre. Donc, effectivement, je n'avais pas pris garde que ça avait disparu de la traduction littérale, mais c'est quelque chose d'utile dans le récit. Donc, c'est là, pour cette pauvre énigme de cette petite fille, finalement, n'est donc pas là pour être une vraie énigme, mais pour désigner la difficulté de l'aveu et les ruses de la pudeur. C'est pas fait pour être obscur, mais pour qu'on comprenne cela. Et les jeux de la conversation, les détours du langage permettent d'esquiver cette difficulté de l'aveu, permettent de ménager cette pudeur. Mais la pudeur se trahit d'elle-même, car la pudeur provoque la rougeur, d'où la nécessaire distance de l'écrit, renforcée par l'integumentum même très léger, le voile transparent qui en couvre le sens. Sens innocent, elle veut épouser celle qu'elle aime, c'est très bien. Énigme transparente, bienheureuse pudeur et bienheureuse rougeur qui révèlent un trouble innocent et permettent au bon roi de comprendre. Mais du coup, à travers toute cette innocence et ce côté roman de gare de cette scène, du coup, rappelle par contraste de l'énigme d'Antiochus, cette énigme qui était un aveu dissimulé de l'indicible, un indicible tellement indicible qu'il n'y a plus ni pudeur ni rougeur qui la révèle, mais la honte et la violence qui la masquent. Rappel de l'énigme d'Antiochus au moment où se conclut le mariage le plus exogamique qui soit, et où le roi de Cyrène, bien loin de garder sa fille pour lui-même, la refuse à ses compatriotes pour la donner à un étranger rejeté par la mère et dont il ignore tout. Et tel est le sens de cette énigme en apparence anodine et naïve, cette énigme qui est réellement anodine et naïve, mais dont le sens vient de ce qu'elle est bien, en effet, anodine et naïve, innocente. Et une énigme inutile, alors que celle d'Antiochus n'est que trop utile, une énigme qui ne naît que d'une innocente pudeur, que de la réserve de la jeune fille à avouer son amour, les pauvres subterfuges qu'elle emploie pour faire comprendre à Apollonius, sans le lui dire, etc., qu'elle l'aime, eh bien, sont le pendant du petit mot qu'elle écrit à son père, et innocence d'Apollonius lui-même, qui ne peut s'empêcher de rougir, et qui est donc à l'unisson des sentiments de la jeune fille, qui montre aussi qu'il la mérite. Si Apollonius était un cynique visant à la main de la princesse pour rétablir sa fortune perdue, eh bien, Apollonius ne rougirait pas. Non, on ne peut pas se forcer à rougir. Et du coup, le roi ne comprendrait pas et tout tomberait à l'eau. Donc, par contraste absolu avec l'épisode d'Antioche, l'épisode de Cyrène repose tout entier sur l'innocence et la charmante pudeur des deux personnages, et c'est cela qui fait qu'ils méritent finalement la conclusion heureuse de leurs amours. Reste à la fin du roman les plus dangereuses des énigmes innocentes, celles que Tarsia, tout à la fin, soumet à son père dans les circonstances scabreuses dont vous vous souvenez, avant qu'ils se reconnaissent. Donc, Apollonius se morfond dans la cale de son bateau, parce qu'il a perdu sa fille, et le roi de Mytilène va tirer cette fille du bordel où elle gagne sa vie aussi vertueusement qu'on peut le faire dans un bordel, mais enfin tout de même en gagnant sa vie dans un bordel, pour qu'elle distrait ce malheureux. Et elle arrive et elle lui propose, elle chante pour lui, et elle le distrait en effet un peu, elle partage ses dons musicaux et elle lui soumet des énigmes, elle partage ses dons intellectuels. Nous avons déjà dit que ce qui rend la situation dangereuse, c'est que justement, il s'agit du père et de la fille et qu'il y a une communauté d'esprit entre eux. Ses goûts et ses dons musicaux, cette ingéniosité intellectuelle, elle les tient de son père et ainsi, ils ont tout pour s'entendre, ce qui rend la situation difficile. Bon. Alors, les 10 énigmes que Tarsia soumet à son père dans l'Historia, et qui ne sont jamais 10 dans les adaptations en langue vulgaire. Il en manque toujours au moins une, le canard, roseau, celle dont la solution est le roseau, et souvent il en manque plus, il n'y en a que 6 ou 7. Ces 10 énigmes, donc nous le savons depuis le début, sont extraites du recueil de Symposius, et c'est un remploi dans le roman d'Apollonius, mais elles n'en sont pas extraites par hasard ou au hasard, comme j'avais tenté de le montrer dans l'introduction de ma vieille petite édition. Les 6 premières sont en rapport avec l'eau, qui joue un si grand rôle dans cette histoire de voyage par mer, de tempête, de naufrage, de bain aussi, qui joue un si grand rôle qu'on pourrait définir l'histoire d'Apollonius de Tyre, comme Gilbert Durand l'a fait de l'Odyssée, une épopée de la victoire sur les périls de l'onde et de la féminité. C'est presque encore plus vrai d'Apollonius. Et c'est les solutions de ces énigmes sont, pour la première, l'eau et les poissons, la deuxième énigme, le roseau, et le roseau qui curieusement disparaît des adaptations est très important parce que le roseau, c'est à la fois l'eau et la musique. Les deux talents d'Apollon, enfin, ou les deux caractéristiques de la vie d'Apollonius, quelqu'un qui a des malheurs en bateau et quelqu'un qui connaît la musique, si je puis dire, sont réunis dans le roseau. Troisième énigme, la solution est le navire. Quatrième énigme, le bain chaud. Et donc il est particulièrement malheureux que les adaptations en langue vulgaire suppriment le bain que fait chauffer Apollonius pour le roi de Cyrène après leurs exercices. La suivante, je ne sais plus le compte, la cinquième, c'est l'encre du navire. La sixième, c'est l'éponge. La septième a pour solution le ballon. Et en donnant la solution, Apollonius fait lui-même le rapprochement avec ce jeu de ballon qui lui a permis de s'introduire auprès du roi de Cyrène. Et le ballon est défini comme, dans cette énigme, comme un être, enfin, ou un objet, chauve, mais velu à l'intérieur. Et la huitième énigme a pour solution le miroir, et les 2 dernières sont l'échelle définissant comme ce qui mène aux cieux, l'échelle qui mène aux cieux ceux qui sont alta petentes, qui désirent s'élever dans les hauteurs, on trouve cette petite tonalité ésotérique du roman, et la dixième, les 4 roues d'un char, ce que dans mon introduction j'avais rapproché du côté non plus aquatique mais solaire d'Apollonius, donné par son nom lui-même. Et Apollonius les résout en les rapportant le plus souvent explicitement à sa propre histoire. Donc ces énigmes que lui soumet sa fille qui n'a pas reconnu lui permettent de revenir sur sa propre histoire, préparant la reconnaissance qui ne s'opère pas à ce moment-là, mais qui s'opérera lorsque la fille reviendra elle-même sur sa propre histoire et racontera ses malheurs dans une plainte qui permettra à son père de l'identifier.

Chercheuse. Il y a une certaine intimité qui se crée par la radio. Cultura. Une forme d'intimité finalement. Chères auditrices, écoutez. Il y a une parole qui se déplace, qui change de média. Enregistrement. Réfléchir, penser, c'est pas forcément de la prétention de l'élitisme. Ça devrait être justement pour reprendre l'expression d'Antoine Garapon, le bien commun. Écoutez, vous êtes sur France Culture. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture, les chemins de la connaissance, à 11h30, rendent hommage à Claude Métra, producteur pendant de longues années à France Culture, qui nous a quittés récemment, et donne à réentendre un documentaire qu'il avait réalisé en 1971, Les Demeures d'Albert Durer, troisième volet. 11h fiction, feuilleton, les nouvelles confessions de William Boyd, 18e épisode. Rapatrié aux États-Unis après avoir été blessé lors du débarquement en Méditerranée, John James Todd reçoit une lettre de son vieil ami allemand, Karl Heinz. Il décide d'aller le chercher à Berlin.